vénérable grand-mère. Choisis ma tata Irame. Mandele, vénérable grand-mère. Alzouria. Africanez-vous. Paul Moussou Nzambé à transporter. Idim Tsongo Mokonzi Angaba. Ikan Sebayaka. Héritier Strom. Dice Dungo. Claude Lukeba Bueno. Babicho Matinele. Era de Francis Amunda Mestre. Mouvier la Maïbi de Bosse. Cécile Kakouchi Betancourt. Héritier Strom. Vote Singa supérieur, y a que des millions. Tati King, shérif et Kachiku, l'image de la terre. Enrique la Tostine. Après. Ange Don Pablo El Patron, Gael Bistin Koye, Amadou Sherif, Gédéon Elonga le Belgicain, Alida Mabouba, Maman Jeanne Ndoki, Acoustique Zobit, Image, Jésus des Bâches dans Bruxelles, Patrick Dija de l'Espère, Lydie Passion, Ali Nomoke, Nadi Ananga, Freddy Sona de London, Jean-Luc Kunga Chalamama, Jean Zola, Manta Fofana, les boss de Costa Couleur, Istanbul, Yesola, Douce Bumba Lissoy.